side by side. Why don't you swing down street garbage? Ta douce mélodie me réveille chaque matin. Avant même d'embrasser ma femme, je te prends par la main. Puis je te caresse le visage pour voir si tout va bien. Tellement inséparable qu'on part ensemble au petit coin. Mon café, mon jus d'orange, j'en le partage aux amis. En voiture, mes yeux sont dans les tiens, dans quelques feux je crie. Au boulot, on part tellement ensemble que des dossiers j'oublie. Au dîner, vu le silence, tout le monde t'aime dans ma famille. Baby, je te partage ma vie au lieu de la vivre. Tu me partages la vie des autres pour me divertir. Je ne regarde plus le ciel depuis que tu m'as pris mes yeux dans tes applis. Baby, je ne sais plus. Bonjour à tous, la radio game. Chut, chut, ne ris pas. Allez, Nicolas, tu te reprends. Radio Guimouzou. Voilà, on est bien. Jeunes. C'est tout? Non. C'est tout? Est-ce que tu veux ajouter autre chose? Non. Non. Donc, nous sommes le mercredi 6. 6 quoi? Novembre 2019. Oui, voilà. Donc, une nouvelle émission des... Jones. Voilà, à Radio Gamozo. Oh. Tout le monde va bien? Oui. Christopher. Oui. J'aimerais que tu parles correctement. Pardon. Ah, voilà. Oui. Merci. On fait un tour de table. Qui est là aujourd'hui? Moi. C'est qui, moi? Nicolas. Oui. Dalala. Comment? Dalala. Gabriel. Voilà. Ensuite, Régine, voilà. Christopher et Laurette, je suis stagiaire en tant qu'éducatrice spécialisée et je vais suivre les jeunes de l'IME pendant un mois. Voilà. En technique, nous avons Zinedine, oui, tu es avec qui, Zinedine? Non, comment il s'appelle? Christopher. Chris. Christopher. Et à ta droite, c'est qui? Marion. Bonjour. Tu peux la regarder, Marion, hein? Oui, Marion. Marion, t'es intimidée, là. Non. Hein? Marion. Donc, c'est la rentrée après oui. 15 jours hein, d'absence. Il y a eu les vacances. Hein? Non, il n'y a pas eu de vacances. Si. Si, voilà. Alors, on va déjà commencer par la chanson mystère. La dernière fois, c'était quoi? Quoi, moi, on a... Parce que c'était toi. Zone 51? Voilà, c'était une musique se rapportant à la zone 51. Eh bien, on va écouter la nouvelle et on va rappeler le numéro, Nicolas. 03 29 72 40 40. 62 40 40, voilà. À vos téléphones. À sa façon de nous appeler ses gosses, on voyait bien qu'elle nous aimait beaucoup. C'était chez elle que notre argent de poche disparaissait dans les machines à sous. Après les cours, on allait boire un verre. Quand on entrait, Laurette souriait. Et d'un seul coup, dans le son, nos problèmes disparaissaient quand elle nous embrassait. C'était bien chez Laurette. Quand on faisait la fête, elle venait vers nous, Laurette. C'était bien, c'était chouette. Quand on était fauché. encore afin qu'on soit tranquille. Dans son café, il y avait un coin pour nous. On s'y mettait pour voir passer les filles. Et j'en connais qui nous plaisaient beaucoup. Si par hasard on avait l'âme en peine, Laurette seule savait nous consoler. Elle nous parlait et l'on riait quand même. En un clin d'œil, elle pouvait tout changer. C'était bien chez Laurette. On y retournera pour ne pas l'oublier. Laurette, ce sera bien, ce sera chouette. Chez Laurette, ce sera bien, ce sera chouette, et on reparlera des histoires du passé chez Laurette. Voilà la fameuse chanson mystère. Ça, moi, en c'était un. Donc voilà, ceux qui veulent appeler, hein, 03 29 62 44. Alors on a oublié de dire, bien sûr. À Camille. Camille. Camille. Qu'il manquait quelqu'un aujourd'hui. Camille. Camille. Camille. On voilà. Notite. N'est pas là, Camille. Alors nous avons docteur Nicolas. Elle a une otite, alors que moi-même je ne sais même pas. Ah, mais il a fait le diagnostic. Voilà, elle a une otite. Hein. Je pense que Camille a fait rire chez elle parce qu'elle écoute l'enfant. Hein. Voilà. Et on avait dit tout à l'heure qu'on lui ferait un petit coucou quand même. Quoi, Camille ? Coucou Camille ! Coucou Camille ! Camille ! Bonjour Camille ! Coucou Camille ! Tu fais coucou à Camille ? Coucou Camille ! Non, je ne veux pas lui dire bonjour. Coucou Camille ! Non ? Non. Coucou Camille ! Bon. Et on peut lui dire aussi que si elle veut, elle peut nous appeler. Hein. Oui, appelle-nous, oui, Camille. Voilà, on peut converser en direct avec Camille. Appelle-nous. Voilà. Appelle Camille. Appelle Camille. Bon, alors, de quoi on va parler ? Info. Fake news. Fake news, info, il y a d'autres choses ? Alors, les vacances. Tania, allô. Retour des vacances. Camille, allô ? Et ? Ah oui, ah bah ça, c'est elle qui décide. Oh, hein. Retour des vacances. Fake news, d'abord. Il se décide, Gabriel, à le dire. C'est bien. C'est bien qu'elle appelle ? Oui. Bon, alors, on commence par quoi ? La fake news, Nicolas. Oui, Gabriel. Tu veux commencer par quoi, toi ? Ivoire. C'est pas... On commence par le retour des vacances, et par les infos, par quoi ? Oui. Ah. Vas-y. Tu veux parler de quoi, Gabriel ? À papa. De papa. Alors, vas-y, on t'écoute. Qu'est-ce qu'il a, papa ? J'aime bien des papas à manger. Ah bah déjà, il faut dire que papa est rentré. Et à maison, papa, t'es... Papa, il est à la maison, il est rentré. Ça, c'est important, Gabriel. Hein. Quand il rentre, chaque fois, tu nous le dis. Hein. Il est rentré, il est parti, il est rentré. Donc, tu es content ? Oui. Et puis ? Aider papa à manger. Ouais, tu l'aides. Ben oui. Et puis ? C'est tout. Tu fais que ça ? L'aider à faire à manger ? Tu fais pas des sorties, là, pendant tes vacances, t'as pas fait des sorties? Oui. Ouais, t'as été où? Je sais pas. Tu sais. C'est Gabriel. C'est avant-nuit. Tu as été voir la lune? Oui. Oh, bah alors, comment t'as fait pour aller voir la lune? Un planète. Une planète. Une planète. C'était où, Gabriel? Pas très loin, c'était où? C'est à 20 km. C'était à... C'est qui ça? Épinal. Donc c'est le planète... Planétarium. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà allés au planétarium? Non, moi je connais. Non, je connais pas. Moi je connais. Tu es déjà allé, Nicolas? Non, je connais. Non, tu connais quoi? Oui, je connais dans un film, là. Dans un film? Oui. Ah, nous avons un appel. Allô? Allô? Allô? Ça va? Oui. Ouais. Oui. Bonjour, Camille. Coucou, Camille. J'entends bonjour, rien. Tout le monde. C'est Marie. Ah, c'est Marie. Eh bien, bonjour, Marie. Bonjour. Bonjour, Marie. Bonjour. C'est qui? Comment ça va? Et ça va? Je vous entends loin, là. Ah, ça rappelle. Ah, je parle à Corinne. On attend, là. Bonjour, Camille. Bonjour, Camille. Bonjour, Gabriel. Oh. Ça va, Camille? Oui. Merci. Ça va mieux? Oui. Ça va mieux? Oui. Oui. Oui. Alors, nous avons docteur qui nous dit que tu as une otite. Est-ce que c'est vrai? Hein? Nicolas, s'il vous plaît. Nicolas nous dit que tu as une otite. Non, je n'ai pas d'otite. Est-ce que tu veux nous dire ce que tu as? Tu dis, mais ça, t'as fait quoi? Le médecin, il n'a rien dit. Le médecin, il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Voilà. Je suis antibio pour 6 jours. Quoi, vas-y. Comme je l'ai dit, elle est sous antibiotiques pour 6 jours. Bah, je pense qu'elle a une otite. Quand même. C'est Camille qui pense qu'elle a une otite? Mais non. Non, c'est Marie. Je dis, de toute façon, je pense que c'est une otite, même s'il n'a pas donné de détails dans le diagnostic. Il a quand même mis sous antibiotiques pour 6 jours et assez costaud. Ah oui. Oh, c'est costaud. Oh, c'est bien, tu peux rester au lit le matin, Camille. Mmh. Oui. La chance. Ouais. T'as autant Nicolas, il dit que tu as de la chance. Et Bobo Jeu, Tani. Bobo Jeu. Ah, Gabriel. Non. T'as entendu ce qu'il t'a dit, Gabriel? Non. Et Bobo Jeu. Bobo Jeu. Bobo Jeu. Oui. Elle dit oui. Bobo Jeu. C'était quoi? C'était quoi ton bel oeil? Non, oui. Gabriel, il te demande pourquoi tu as mal aux yeux. C'est l'infection. C'est l'infection. Et oui. Alors, Camille, tu vas faire quoi là ce matin à part écouter l'émission de radio? Je sais pas. Tu sais pas. Tu vas aller dehors? Oui. Colorier. Colorier. Oh, des dessins. Est-ce que tu aides Marie, là, à la maison? Oui. Ah, tu fais la cuisine, alors? Oui. Le ménage? Oui. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Et Marie, elle n'a pas l'air convaincue, hein, parce que tu... Non, non, c'est quand même moi qui fais quasiment tout. Elle donne quand même des petits coups de main, mais voilà, quand je lui demande... Quand elle est décidée... Est-ce que vous avez entendu la chanson Mystère? Oui. Écoutez, oui. Ah, Marie, elle n'a pas écouté. Camille, tu as écouté en... Oui, elle a écouté, Corinne. Si, je suis restée avec Camille, j'ai écouté. Ah, alors Marie, elle sait quelle est la chanson Mystère? Oui, l'oreille de Michel Delpech. Voilà, eh bien écoutez, Marie, vous êtes bonne pour venir à une émission. Arrêtez les mots. Ouais. Ah bon? Ah bah oui, vous avez gagné. Merci beaucoup. C'est comme ça. Eh bien, écoutez, on se mettra d'accord. Et puis, une fois, vous venez avec nous à l'émission. Oui. Ah ben, franchement, ça me touche. Ça me fera grand plaisir d'être avec vous tous à l'émission. Merci beaucoup. Ah ben, super. Hein. Eh ben, nous aussi, on est contents. Hein. Oui. Au revoir, Tali. Eh bien, écoutez, on va vous souhaiter une bonne journée. Et beau Tani, jolie Tani. Et un grand merci d'avoir appelé. Au revoir, Camille. Au revoir, Camille. À demain. Au revoir, demain. Non, non, je ne vais pas demain. À demain, Camille. Non, Christophe. Non, non. Eh, je te fous. Au revoir. Christophe. Ouais. Je suis pas là demain. Oh non. Non, non, vendredi. Vendredi ? Vendredi ! Oui ! Ok, on se voit vendredi ! Oui, bisous ! Bonne journée à tout le monde ! Au revoir, Camille ! Au revoir, Camille ! On compte bien ! Fais grâce matinée ! Voilà, bah, je pense que les auditeurs en ont eu plein les oreilles. Hein, parce que je vois pas l'intérêt de crier. Vous savez quand même vous tenir un peu, non? Ouais, c'est Camille, elle était contente. On peut couper votre micro, hein? Non, on non. On vous entendra pas. Non. Ah si. Alors arrêtez de parler comme ça. Oui. Mais t'es contente, c'était Camille. Mais c'est pas une raison pour crier. Alors si Régine, elle se met à crier... Ah non. Laurette, Gabriel... Moi, je peux plus parler parce que vous criez. Oh non. Ça empêche les autres de parler. Hey. Ça fait un mal de dire, écoutez. Voilà, donc bah, nous aurons le plaisir d'avoir Madame Jolie à la prochaine émission. Madame Jolie. Oui, Marie, c'est Madame Jolie. Ah, Tani et Jolie, Tani, j'aime bien Tani. Madame Jolie. J'aime bien Camille, ouais. Voilà. Bon, bah allez, on continue l'émission. Je vais retourner. On commence par les vacances. Retour des vacances et chacun son tour, s'il vous plaît. Eh ben, on va commencer par Zinedine. Hé Qu'est-ce que tu as fait pendant tes vacances? J'ai regardé le foot, hein. Tu as regardé le foot? Ouais. Il y avait du foot pendant les vacances? Oui. Non, c'était le rugby. C'était le rugby, hein. Là, il y avait du rugby, mais il y avait du foot là, aussi. Non. Ah oui, mais peut-être pas à la télé. Tu as été le voir des gens jouer. Ouais. Ah oui, alors c'était qui jouait? À Gérard May? Oui, à Paris. Et c'était Gérard May contre qui? Les inconnus. Mais non! Les inconnus! Il est tout seul. Il est fou, ça. Est-ce que tu peux donner le résultat, Zinedine? Ben, dis dans le micro. 1-1. Voilà. 1-1. Et... L'équipe, non, je sais pas. Ok. Le rugby. Si. Et qu'est-ce que tu as fait d'autre? Non. Rien. Rien. Non, tu nous avais dit autre chose. Hein. Quoi? Laisse-le réfléchir, parce que si tu rires, il n'arrive pas à réfléchir. Oui, parce qu'il lui faut du temps pour réfléchir, lui. Réfléchis, pendant tes vacances, qu'est-ce que tu as fait? Le bain! Le bain, alors ça c'est un, je sais pas, un événement sûrement, Zinedine. Le bain! Et tu nous as dit que tu t'es fait laver tout seul. Oui. Ben ça c'est bien. Oui. Et puis Zinedine. Non. Ouais. La dernière chose. Ce que tu nous dis à chaque fois que tu as regardé là. C'est bon. Qu'est-ce que tu regardes beaucoup pendant les vacances? Que les télé. La télé, voilà. Voilà, j'ai donné un indice. Voilà, c'était le programme. La télévision. D'accord. K-pop. Didi. Mais Zinedine, je voudrais savoir quand même, est-ce qu'il y a des moments où tu t'ennuies? Mouillée. Oui. Oui. Tu sais pas quoi faire. Ouais. T'as même pas envie de regarder la télé, mais tu sais pas quoi faire. Ouais. Casser le mur. Est-ce que tu essayes, par exemple, d'écrire un petit peu, de compter? Non. Non. Ça n'a pas d'intérêt. Ça. Moi, si. Écrire son nom, je trouve. Moi, j'adore. Savoir écrire son nom, est-ce que c'est important, Zinedine? Non. Non. Ben oui. Toi, quand tu t'ennuies, tu pourrais faire des petites choses comme ça, prendre un crayon, du papier, puis écrire. Ils font le ménage. Hein, Zinedine? Oui. Ben oui. Et où soit faire le ménage, Corinne? Toi? Non, je le fais moi, ouais. Oui, ben c'est bien ce que je dis. Oui, Zinedine, c'est pour ça que je des te moments, dis toi. C'est bien aussi. Hein? Et ranger la vaisselle. Et faire la vaisselle. Ok, pour Zinedine, qui veut parler? D'ailleurs, on n'avait pas fini avec Gabriel, je suis désolée. Oui. Gabriel, tu avais commencé avec la visite du... à Épinal. Le Sydney? Le Sydney, moi, il peut aller. Non, non, non, tu n'avais pas fini. Tu nous as parlé de la Lune, que tu avais été voir la Lune. Mm-hmm. Les planètes, c'est ça que tu as dit? Oui. Oui. Alors, est-ce que tu te rappelles le nom de planète? Je sais pas. Tu sais pas? Non. Et c'était où, à hein? Oui, Gabriel, à Épinal, c'est bien. Et c'est le planétarium. Planétarium. C'est besoin. C'est bien? Alors, est-ce qu'il y en a qui peuvent l'aider pour donner le nom de certaines planètes? Au revoir, comme ça, comme certains qui ont étudié les planètes. Alors, Nicolas. Neptune. Gabriel, est-ce que tu te rappelles de Neptune? Non. Non, tu l'as pas vu. Terre. Tu entends ce qu'il dit? Oui. Oui. La Lune. Tu t'en rappelles? Oui. La Lune. Vénus. Il en a parlé de la Lune. Vénus. Et Mars. Oui. Mars. D'autres? Mars. Non, mais ça a déjà été dit, ça. C'est moi. Le soleil. Ouais. T'as vu le soleil? Non. Planétarium. Une grosse boule à feu. Saturne. Oui. C'est la planète qui a un anneau. Autour. Oh, oui. Ça tourne. Tu te rappelles de tout ça? Oui. Et puis, qu'est-ce que tu as fait d'autre pendant tes vacances? Nicolas, mesdames. Un nini. Dis dans le micro. Un nini. Tu as fait Halloween, oui. Ah, tu as fêté Halloween. Alors, comment tu as fait? Un bonbon à Sarah. Tu as été chercher les bonbons? Oui. Oui. Tu as été toqué aux portes? Oui. Tu avais un masque? Oui. Ah. Et t'as eu peur? Bouh. Ah. Et tu as fait peur? Oui. Eh ben dis donc. Tu te rappelles en quoi tu étais déguisée? Qu'est-ce que tu avais comme masque? Je sais pas. Tu sais pas? Non. Ah. Et ton costume? C'était quoi? Il était quelle couleur? Rouge. Rouge? Alors c'était, je sais pas, qu'est-ce qui pourrait être rouge comme costume? Un dragon? Un clown tueur. Un quoi tu dis? Clown tueur. Un clown tueur. Non, un pu? Un pu? Un vampire. Un pu? Un vampire. Ouais. Un pu? Un pompier. Un pompier, un feu rouge. Un feu rouge. C'est pas ça? Non. Le bisou. Ce qu'on va faire, on va dire à la radio, Madame Priester, maman de Gabriel, si vous avez 5 minutes pour nous appeler et nous donner en direct le nom du costume de Gabriel. Ah oui, c'est quoi ça? Gabriel serait joué bien. Et allez. Voilà. Donc, Buzet, si maman, elle a deux minutes hein, pour appeler et puis nous dire un peu ce que tu avais comme costume. C'est quoi ça? Ce serait bien, Gabriel. C'est quoi ça, Gilles? Alors, donc, tu as toqué aux portes. Et puis alors, les gens, ils ont donné quoi? Bonbons à soeur. Des bonbons? Tu en as eu beaucoup? Ouais. Trois? C'est tout? Quatre. Trois, quatre. C'est ça? Bon, bah écoute, t'es peut-être arrivé un peu tard. Ouais, bah, attends, qui c'est moi? Adam. Ah oui. Bon, voilà pour Gabriel. Qui veut parler? Christophe. Ah ben, je crois que... Oh, pas grave. Maman? Maman Gabriel. Ouais. Ah, c'est bien. Vous avez deux appels qu'on a reçus. Ouais. C'est qui? C'est qui? Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien, merci, et vous? Ben, très bien, merci, c'est très gentil d'appeler. Ben, de rien. Et Gabriel est très ému. Ah. Alors, Gabriel, est-ce que tu peux poser la question à maman? Non. Qu'est-ce qu'on voulait demander à maman? Un masque. Qu'est-ce que tu avais comme masque? C'était un masque quoi? De vampire. Ah, vous avez raison. Vampire. Ah, donc un costume de vampire. Et il avait une grande, un grand costume noir, bordé de rouge. Et donc il nous a dit que la récolte fut mince, trois bonbons. C'est pas vrai. Bon alors, Gabriel. Non. Il y avait beaucoup. Poutou. Beaucoup, oui. Ils sont venus avec un gros paquet de bonbons. Ah bon, ça c'est bien. Oh. Ça c'est bien. Tu es content que maman elle appelle? Oui. Ah ben écoutez, il faudra le faire plus souvent. Pas de soucis. Et t'aimes maman? Moi aussi mon pépère, je t'aime. Oh là là, c'est beau. Oh, quelle preuve d'amour. Oui, Christophe. Eh ben écoutez, on va vous saluer, vous remercier d'avoir appelé. Eh ben de rien, bonne continuation. Amusez-vous oui. bien. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Tu es content, Gabriel? Oui. Et Christopher, tu avais raison. Ah, oui, c'était vampire. Oui. Bravo, bien. Christopher. Allez, hop, Nicolas. Nicolas, j'ai rien dit, moi. T'as dit t'es un pompier. Non, mais c'est pas là, c'est pas important qu'il se trompe. Hein. C'est important que toi, t'es su. Le dire. Oui, j'ai raison, un vampire. Ouais. Alors, c'est toi qui voulais parler, là. Mais c'est bon, la personne qui est d'autre va appeler. C'est quoi, tu dis? C'est bon, la personne qui va appeler d'autre, maintenant. Je peux dire enfin. Comme ça, ouais, tu peux ça, parler. Ça t'embête? Non, attendez. Moi, je trouve ça super. Oui, attendez. Oui, aujourd'hui, c'est rigolo. Bah oui. Oui. Alors, bon, allez, on t'écoute, Christopher. Je veux Uno. Tu parles bien dans le micro. Je veux Uno. Oui. J'ai fait Halloween. J'ai fait une blague. Alors, raconte ta blague d'Halloween. En fait, je me suis déguisé. J'ai mis une robe qui fait peur, et un masque et une casquette sur la tête. Un masque de quoi? Un masque de squelette. Oui. Et une casquette sur la tête. Casquette, oui. Une capuche. Oh ben non, casquette, capuche. La totale, hein. Et une fausse araignée électronique. Et? Une araignée électronique. Une araignée électronique oui, qui avançait toute seule. Ouais, c'est une télécommande. Oh. Je vais faire une blague à ma voisine, en fait. Oui. On est dans le couloir, elle meurt, sans faire exprès, elle appuie sur la sonnette. Et là, elle sonne. Oh là là. La sonnette de chez nous. À la place d'appuyer sur la lumière, elle appuie sur la sonnette. Oui, et puis alors ça fait quoi? Ça fait ding. Oui, mais ça a sonné chez vous. Non, ça sonnait dans le couloir. Ça résonnait. Et puis, oui, alors je comprends pas tout. Donc, ça a sonné dans le couloir et puis... Après, elle me crie dessus parce que je pousse pas l'araignée par terre. Qui ça? Qui te crie dessus? Ma maman. Ah bon? Parce que je pousse pas l'araignée par terre et après, on a raté la blague. Parce que l'araignée, c'était pour faire peur à qui? À la voisine. Ah, la voisine, ah oui. Tu alors... croyais quoi? J'allais me balader dehors avec une araignée. Mais la voisine, elle a ouvert sa porte. Oui. Et puis alors, l'araignée, elle n'était pas par terre. Non, oh là là. Donc, elle n'a pas eu trop peur. Non, Non, on a raté la blague. Oh là là. Ah oui. Elle m'énerve, je balance mon masque partout en plus. Et puis t'as pas été faire Halloween dans le village ? Non. Pourquoi non ? Ils sont coincés à la Bresse. Hein. À la Bresse, ils sont coincés. C'est ma mère qui dit ça. Hein. Si les Bressots, ils doivent être contents hein, d'entendre ça. Je dis quoi, c'est... Non, c'est pas vrai, ils sont pas coincés. C'est ma mère qui dit ça, ils font plus trop... Ils font plus Halloween à la Bresse ? Oui. Ah bon ? Sauf qu'il est petit. Que ? Qu'il est petit ? Que les petits ? Oui. Bon, tu sais, c'est des grands hein, qui font Halloween. Hein. Bon, ils sont coincés un peu, alors... Hein. Voilà, voilà. Peut-être que tu parais grand par rapport aux enfants qui font effectivement l'eau. Et toi, t'as l'eau, maman, moi. Parce que physiquement, tu es grand. Mmh. Oui, c'est peut-être ça. Oui. C'est peut-être plus trop de ton âge, finalement. Oui. Hein? Enfin, un année film d'horreur. Alors, finalement, pas de bonbons. Non, un bon film. Ah, puis après, t'as regardé un film d'horreur. Ouais, sur les araignées. Ah, d'accord. Ok. Sinon, autre chose, Christopher ? Non, c'est tout. Non, c'est bon, les vacances. Ouais, conquis. Ok. Eh ben, Nicolas. Halloween. T'as pas le dans le micro, Nicolas. Halloween. Okay. Alors, toi, tu as fait Halloween. Vas-y, raconte. J'ai mamie. T'as pas besoin de chanter, hein, comme ça. J'ai mamie. Oui. Puis alors, c'était où, tu as dit déjà, le village ? C'est un peu dans la campagne. À Dignonville. Ouais. Voilà. Vous connaissez, Régine ? C'est du côté d'Épinal. Ouais, c'est de l'autre côté. De Longchamp. Oui. Longchamp. Oui, c'est ça. Ouais. On voit les pancartes. Je connais pas, mais je vois les pancartes. Longchamp. Quand je roule par là. Ok. Bon. Halloween. Halloween. Des bonbons. Mamie, elle est venue avec vous faire Halloween ? Oui. Elle s'est déguisée, mamie ? Non. Ah non ? Ah, elle vous surveillait. Ouais. Okay. Juste un chapeau. Elle a mis un chapeau ? Un chapeau d'Halloween. Et puis alors, il y avait toi, oui, mais Claire, mes deux sœurs. Claire et Alizée. Tous déguisés. Puis alors, vous êtes allés dans le village des à Dignonville. Vous êtes passés dans les maisons. Oui. Ouais, puis alors. Des bonbons. Des bonbons, des bonbons et des bonbons. Vous en aviez beaucoup. Oui, moi je n'en ramenais plus. C'est toi qui en as ramené le plus. Oui. Et puis est-ce qu'il en reste? Dans le pot. Il en reste ou pas? Oui, parce que moi, mais je les ai pas encore mangés. Hein. Ah bon, tu manges pas les bonbons? Si, j'aime bien. Ouais. Bon, il en reste un peu quand même. Ça. T'étais déguisé en quoi, Nicolas? Je me rappelle plus. En clown. Réponds pas pour lui. Je me rappelle plus. Hein. Qu'est-ce que t'avais sur toi? T'avais un masque. Un masque. Un masque de quoi? Qui fait peur. Qui fait peur. Et puis Claire a été déguisée en quoi? En citrouille. En citrouille? Et Alizée. Oh, c'est rigolo. En squelette en fille. En squelette de fille. Oui. Et toi, t'avais le grand masque qui ouvre une grande bouche comme ça? Des grands yeux? Donc c'est bien, il y a eu une bonne récolte, c'est ça? Oui. Ok. Donc les vacances, je crois pas. Info! Hop direct, Nicolas. Info! On a fait le tour, Régine, vous avez passé de bonnes vacances? Très bien. Oui. Et Laurette, tu as passé de bonnes vacances? Moi j'ai eu qu'une semaine de vacances, mais ça a été. Ça a été? Et en technique, là, Christopher et Marion, les vacances? Pas de vacances, donc... Pas de vacances. Oh là là, pour Marion. Et Marion, qui est toujours enrhumée. Tout le temps. Si on avait du chauffage qui fonctionne, ça serait voilà. Mieux. Voilà. Alors, attrape ça où? Je crois que c'est un appel, là, de Marion. Le chauffage. Elle attrape ça ou pas? Par les microbes. Elle attrape par les microbes? Non, elle attrape parce qu'elle a froid. Elle a tout le temps froid. Elle a tout le temps froid? Est-ce qu'il fait chaud ici? Non. Pas trop, hein. Les radiateurs, ils sont pas allumés. Les radiateurs sont pas allumés, ouais. Ou c'est le chauffage qui est éteint? Ah, oui, les chauffages, ils sont à fond, hein, donc les thermostats voilà. Sont à fond. Ah oui, il a mis un 5 direct. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de chauffage, tout simplement. Pas à fond. Ou alors, c'est vraiment très léger, quoi. Tu vois, c'est pas très puissant. Hein. Bon, allez, on va faire une première pause. Oui. Alors, on a le choix entre la chanson de Zinedine Christopher... Ouais, une des deux là. Moi.

du vent, beaucoup de vent. Oui. Ça souffle très fort. J'ai entendu ça, il n'y a pas eu de mort. Il y a eu des blessés, mais pas de mort, ça va. Il n'y a pas eu une disparition ? Oui, une dame. Une dame qui est disparue. Dans la boue. Dans la boue ? Oui, il y a eu de la boue qui est tombée, à cause de la pluie. Ça fait peur, hein ? Oui, je vois, c'est pas venu à la Bresse. Tranquille. Qu'est-ce que tu ferais toi si ça venait à la Bresse ? Oh mon dieu, je mets des plans sur les, je mets des plans sur les portes. Des planches sur les portes ? Ouais, ça marche. Mais l'eau, elle peut rentrer, mais de partout. Hein. Je mets un torchon. Un torchon ? Je mets des seaux. Des seaux ? Ouais. Quoi ? Ça marche, hein. Pour retenir l'eau, tu mets des seaux. Ah oui, ça va dedans. Bah, si ça tombe du toit, du goutte à goutte, voilà, une inondation, ça vient d'où ? Ça vient par les toits ? Non ! De la mer ! Par terre, ça vient de par terre. Ça vient de l'eau. De l'eau. De la pluie. De la pluie. Pluie. Oui, des rivières qui débordent. Qui voilà. Débordent. Comme, comme à Saint-Amé, ça déborde. Oui, mais il n'y a pas la mer à Saint-Amé. Non voilà, mais ça a débordé effectivement l'année dernière. Ouais. T'as raison. Il y a 2 ans, je sais plus. Et t'habites à quel étage ? En bas. T'habites en bas ? Ah, c'est pour ça que tu y penses. Là, t'as déjà pensé. Et à la Bresse, il y a une rivière qui passe à la Bresse. Oui, c'est ce courant, mais elle viendra pas jusqu'en Ebre. Jusqu'à chez moi. Elle viendra pas jusqu'à vous. Ouais. Elle pourrait, hein. T'es pas très... Mais t'as vu la taille, hein. Bah, faut qu'elle traverse la route, puis voilà, hein. T'as vu la taille. On sait jamais, tu sais, maintenant. Hein. Et puis alors, de quoi ça vient, tout ça ? De la pluie. La pluie. Non, mais en ce moment, c'est quand même... Des rivières. Hein, qu'il y a des tempêtes. La rivière. C'est le vent. La pluie. Le vent, oui. Les tornades. Qu'est-ce qu'il a dit, le professeur de SVT lundi. Qui c'est qui était en SVT d'ailleurs ? Moi. Timothée. Ah, il y a Timothée. Non. Moi. Il y a toi, parce que pour ça, je te lance une perche là. Qu'est-ce une qu'il perche. A dit ? Pourquoi il arrive tous des phénomènes comme ça là ? Parce que c'est les tornades. Les tornades, les, tout ça, c'est. Tout l'ami. Vient du ciel. Oui, là, le froid qui descend. Hein. Le froid. C'est aussi du climat. Si. À cause du réchauffement climatique. Oui. Le froid descend. Parce qu'il y en a de plus en plus. Une tornade. Maintenant, on va avoir une tornade un jour ici. Eh ben, on en a déjà une. Et il a dit, le professeur a dit, parce que moi j'écoute hein, ce qu'il raconte aussi le professeur. Hein. Il a dit que ce qui est arrivé dans l'Ouest, on n'avait jamais vu ça. Ah oui. Et les vents à 140 et tout ça. 160 même. Ouais. Hein. Ce qui est arrivé là, c'est du jamais vu. Ah oui. Donc il disait que ça venait justement du réchauffement climatique. Entre autres. Mais après, il n'y a rien de tournade après. Hein. Après, on va avoir une tournade qui va passer. Bon, tu as autre chose à dire par rapport à ça ? Non. Et tu voulais. Bah oui, tu avais aussi parlé de la tempête. La tempête sur le Nil. Non, sur un village. Dans l'ouest. Dans l'ouest. L'ouest de France. Comment elle s'appelait ? Hein ? Quoi ? Bah, elle avait un nom. Hein ? La tempête, elle a un nom. L'ouragan Irma ? Irma ? Non. Irma, c'est fini. Elles ont chacune un prénom. Ouais, c'est pas tous moi les noms. Ah, ils l'ont dit. Et en plus, tu nous l'as dit. Hein. Irma ? La non. Tempête. Ah. Ma. Du coup ? Amélie. Merci, Résine. Oui, bah oui. Je suis ta voisine, c'est pour ça. Émilie. Quand c'est pas Régine, c'est Marion, c'est Christopher. Hein. Heureusement qu'ils sont là, hein, pour vous aider. Hein. Oui. Alors, bah, Camille, elle est pas là, mais elle nous avait parlé de... Pareil. Du rugby. Le 32. L'Afrique du Nord a gagné la Coupe du Monde. 32-12. Et c'était... L'Afrique. L'Afrique du Sud contre l'Angleterre. Voilà. C'est l'Afrique du Sud qui a gagné. Qui c'est qui a gagné? Afrique. L'Afrique. Bien, Nicolas, ouais. Champion du monde. Champion du monde du rugby. On a gagné. Ouais. Bien ça, Marion. Hein. C'est ça. Ah, il est fan du rugby, Zinedine. Ouais. Il vient l'Afrique. Moi, je regardais que le début, moi. Zinedine, tu as regardé? Ouais. Oui. Ouais, vous se levez le matin, dis donc. Yo, j'ai vu la vie. Non, le sport. Moi, on va télé. Le foot. Bah, c'était à la télé, là. Enfin, une. Il joue, moi. Ah, tu joues, toi. Tu regardes pas la télé. Ah, non. Couronne. Ça t'intéresse pas, le sport? Pas, moi. T'aimes pas ça? Couronne, il fallait se lever le matin pour le voir, le rugby, hein. C'est long, c'est long. Avec le décalage horaire. C'est pas long, moi, c'était à 9h50, ma cousine. Le matin, tu croises de me lever pour regarder le rugby, hein. C'était à 9h50, jusqu'à 11h50. Oh, 10h. Non! Si, le début, c'était ça, 10h. 10h, pourquoi ça a terminé à 11h? Ça va, c'est pas très tôt, hein. Vous êtes pas levé à 10h? Non! Moi, ça dépend. Oh, ben, dis donc. Moi, si. Bah, quoi, ça a terminé à 11h50. Vous êtes des gros dormeurs. Tu l'as regardé, Nicolas. Et toi? Non. Tu l'as pas regardé? Non, c'est le matin, c'est un date de mes dessins animés. Hein. J'ai regardé que le début, hein. Quoi? Ça date de mes dessins animés, c'est droit? Mais, ah, bah, oui. Bon, voilà les infos. Alors, après, il y a Christopher qui nous avait... Ok. Nicolas, j'aimerais que tu laisses la parole aux personnes qui ont apporté les sujets. Là, c'est pas toi, c'est Christopher. Donc, tu nous as parlé de quoi? Du loto. Du loto, parce que qu'est-ce qui t'avait intrigué, que tu avais vu? Les boules. Alors déjà, tu nous as dit la F... On dit pas de pub, hein, tu comprends? On n'a pas le droit de le dire, hein, tu comprends? Non, mais parce que toi, tu disais les lettres, mais tu savais pas ce que ça voulait dire. Donc, je t'ai expliqué. Je... Donc, on n'en parle pas. Poum, poum, rideau. Hein, voilà. Maintenant, tu sais ce que ça veut dire. Oui, oui. Voilà. Alors, raconte-nous. Comment ça se passe? En fait, j'ai vu... En fait, le début... En fait, les boules, elles sont dans un coffre. Tu sais, il y a un truc, là, un cadenas. Mmh. Et après, il y a le huissier de justice qui passe. Il ouvre les bouboules. Les quoi? Il ouvre le coffre, Il les met dans la machine, et c'est déjà enregistré à l'émission. Il disait que les tirages étaient enregistrés avant, c'est pas en direct. Mais non, il teste d'abord, voilà. Voir si on ne s'est pas trafiqué les boules. Vous saviez? Non. Non plus, c'est lui qui... Vas-y, il faut regarder, hein. Parce qu'elles doivent faire un certain poids. Ouais, un certain poids. C'est ça. Oui. Donc ça se fait 30 minutes avant, tu ouais. disais. Hein. Elles sont vérifiées. Oui. Il y a même un petit point pour vérifier, mais on ne sait pas comment ouais. le petit point. Mais après, ils tournent, après, ils ont dit s'il y a un gagnant, ils disent qu'il n'y a pas de gagnant. Et après, ça va dire un autre truc, là, pour voir un truc comme ça, je crois. Ça va dans un autre truc. Ouais, le truc, quand il n'y a pas de gagnant. Après, ils remettent en jeu. Oui. Ah oui. Après, ça monte. Et qui c'est qui... C'est toi qui disais aussi qu'il donnait pas... Ou c'était toi, Laurette, qui était là, qui disait qu'il donnait pas tout le montant d'un coup. C'est ce que Christopher, il avait dit aussi. Oui. Qu'il avait check. Oui, à cette chiffre. Le plus convoité de France, hein, je sais. Il donnait plusieurs chèques, pas tout le montant oui. d'un coup. Le mec, il a retiré 2 x 5 000 euros. Et 2 000 euros aussi. Moi, j'étais dans les banques. Bah, tu sais, on ne sait pas tout ça parce que c'est vrai qu'on n'a pas été confronté au problème. On n'a jamais gagné. Ouais, hein, Christopher. Hein. Hein, tu oui. penses que Christopher a gagné? Non, il joue pas. Sûr. Alors, c'est bon là pour... Oui. Ok. Donc ensuite, alors là, on va arriver à Zinedine. Zinedine qui nous avait raconté un truc, on a eu du mal hein, quand même. C'est quoi? À tout comprendre, mais on y est arrivé. Tu te rappelles de quoi tu nous avais parlé? Oh, oh. Alors déjà, tu enlèves la main de ta bouche parce qu'on comprendra encore moins. Tu nous avais parlé du... Ballon? Non. Basket? Non. Ah, je sais, moi. Je sais. Est-ce que... Essaye. On va attendre qu'ils le disent. Dans le micro, Zinedine. C'est quoi? Tu nous as parlé de quoi, lundi? Ouais. Oui. C'est quoi, t'es... C'est un sport? Non, c'est une machine. Une machine. Oui. Ça m'a de qu'à couler. C'était super intéressant hein, ce que tu as raconté, Cédrina. Ouais. Tu avais vu ça à la télé, je pense que c'était un reportage. Ouais. C'était quoi? Quoi? C'est que tu peux ça, c'est ça? Ah, on a déjà un peu les gestes là. C'est quoi? Le quoi les gestes? Montre. Parle dans le micro parce qu'on entend. C'était le. Deux. Le show. Show. Le show. Le show business. Non. Attends. Ah, ok, j'ai compris. Le show. Ah, c'est quoi? C'est ça. Je sais. Non, faut le laisser. Oh, c'est bon, c'est bien. Il réfléchit. Hein. Il doit l'avoir, l'idée, mais il n'a pas le mot. Non. Hein? C'est l'idée. Non. Le show. Chou. Co. Ça. Oui, alors redis le mot en entier. Chou. Ça. Choco. Quin. Là. Ça. Le chocolat. Alors, tu nous as raconté, on a eu beaucoup de gestes. Hein, et du mal. Comment il faisait pour récolter les quoi? Les fèves. Fèves, oui. De cacao. Ouais. Alors, il nous a fait comme ça, pour nous montrer. Il faisait quoi? Il des secoue. Quoi? Secoue. Oui. C'est sur un arbre? Ouais. Ouais. Il faut comme ça de l'arbre. Secoue, et puis il récolte quoi? Chocolat. Vin. Le vin? Et ils boivent du vin maintenant. Quoi? Les graines. Vin? Les fèves. Vin, oui. Les fèves? C'est ça que tu dis? Oui. Oui, mais les fèves, elles sont dans quoi? Les coins? Oui, c'est des... Oh, ça, c'est quoi? Une coquille? Oui, c'est un peu dans une coquille. Hein. Ah ouais, dans c'est la coquille. Elle est fèves de cacao. Ah ouais. Oui. Et puis, tu nous as dit que c'était où? Est-ce que c'est en France? Non. Non. Oh, mais tu... Ah, le NASCAR? Ah, je sais, Corinne, le pays. Je peux pas parler. Là, non, j'aimerais que ce soit Zinedine. Est-ce que c'est en Amérique? Oui. Non. Oui. Non. Non. Est-ce que c'est en Russie? Oui. Non. Est-ce que c'est en Afrique? Oui. Voilà, en Afrique. Afrique du Nord ou Afrique du Sud? Et Laurette, elle t'a aidé un petit peu parce qu'elle a cherché, c'était où exactement? En côte. Quand? En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. C'est l'Afrique du Sud ou l'Afrique du Nord? C'est l'Afrique du milieu. Côte d'Ivoire. Ah, il y a des plantes là-bas? C'est un truc qu'elle fait comme ça. Et c'est à peu près là. Donc voilà. Pas des arbres là-bas. Tu nous as dit qu'il secouait les arbres. Pour de la chaleur. Qu'il récoltait les fruits. Après, il casse. Les coquilles, récupère les fèves. Et après, tu nous as dit, ils font quoi? Fondre. Ils font fondre. Oui, et après? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils le fondent? Pourquoi ils fondent les petites fèves, là? Ils font quoi avec ça? Et qu'un tablette. Putain, il y a besoin. T'as dit qu'il faisait des blocs. Bon, ça. Oui. Des blocs. Oui, comme yaourt. Ça. Tu le montres, mais c'est vrai. Oui, c'est bien. Faut des gros blocs de chocolat. Oui. Oui. Une tablette. Puis après, bah, il exporte, hein, et puis après, c'est reconditionné partout en France. Bah, dans le monde. Ouais. Mmh. Dans le monde. Mmh. Après, ça tient dans notre main. Mmh. C'était ça, Zinedine ? Oui. C'était intéressant, mais on a passé du temps, hein, parce que, hein, vous trouvez chocolat. Tout, il y avait beaucoup de gestes. Chocolat. C'est le chocolat. Chocolat. Ouais. Et bien, chocolat. Mais alors, Zinedine, est-ce que tu aimes le chocolat ? Oui. Oui ou non ? Oui. Le chocolat noir ou au lait ? Noir. Noir. Moi aussi, le noir. Et la vanille aussi, j'aime bien. Noir. Noir ou au lait ? Lait. Lait. Yaourt. Yaourt. T'as déjà fait un yaourt au chocolat, toi ? Chocolat blanc, oui. Blanc. Ah, le blanc, toi. Il y en a deux. Chocolat blanc. Yaourt noir. Et toi, blanc ou... blanc, noir, au lait ? Je mange pas mes tablettes. Ah, t'en manges pas, toi ? Non. Fais un yaourt. Ah. Tu préfères les yaourts, oui, au chocolat ? Moi, j'aime bien aussi les yaourts au chocolat. Mmh. Mais j'aime mieux les tablettes quand même. J'aime bien chocolat, moi. J'aime bien le chocolat. Moi, c'est chocolat blanc aussi, j'aime bien. C'est trop et tout le monde, j'aime moi. Moi, non, moi j'en prends, si j'en casse une, j'en prends deux morceaux. Hein. Bon, bah, merci Zinedine, hein, pour information. Ce petit reportage. Hein, c'était intéressant, c'est bien. Yeah. C'est bien. Oh, Dieu, ça. Et puis, je vous avais posé une dernière question, vite fait, parce que là, on est déjà au bout de l'émission. Étiez-vous content de reprendre Aliémeu lundi ? Et Tata, je... Oui. Tani, Tata, Tani, moi. Alors, Gabriel, j'avais pas eu de réponse. Tu dis quoi ? Est-ce que tu étais content de revenir ? Oui, à Tani, Tata, Tani. Camille a appelé. Ah, tu es content que Camille l'a appelé ? À maman, à moi. Et ta maman, bah oui, et puis on la remercie encore, hein. Et puis, Zinedine, tu avais dit quoi, toi ? Tu étais content de revenir lundi, pourquoi ? Pour nous. Pour tout le monde. Tout le monde ! Pour les copains, tu avais. Pour voir tout le monde. Ouais. Christopher, tu avais dit quoi ? Le travail et les potes. Le travail et les potes. Ah ouais, je m'amuse bien avec tes potes, moi. Ah bah oui. Et puis alors, Nicolas, c'est toi, tu nous avais dit que tu étais content pour Albin. Mais ouais. Il revenait pour Albin, Nicolas. Tu aimes bien travailler avec lui ? Moi ? C'est bien. D'ailleurs, il faudra qu'on invite Albin. Oui. Et à l'émission de radio. Tu pourras aussi nous expliquer ce que tu fais, toi, avec Albin. Techno. Oui. Non, moi. Ah, mais une autre fois. Tu le prépareras ? Oui. Oui. Comme ça, on va un peu comprendre ce que tu fais. Hein ? Christopher, tu vas aussi, tu pourras... Mmh. Oui, Christopher aussi, vous pourrez, oui. Vous pourrez nous le dire. Par un petit moté, hein. Moté, il a l'immeuble. Est-ce que toi, tu vas en techno avec Albin ? Non. Oui. Non. Si. Non, tu vas plus avec Albin. Non, non. Tu vas plus. Parce que c'est fini. On a fait un essai, Gabriel. Maintenant, il va pas. C'est un peu compliqué pour toi. Hein, c'est trop dur. C'est pour les grands. Quoi ? Un grand, moi. Sans pour dire que c'est pour les grands. Non, c'était trop compliqué. Grand, moi. Tu n'es pas prêt encore, Gabriel. Toi, c'est un peu tôt. Tu es grand ? Oui. Gabriel, bah oui. Bah oui, tu es grand. Bah oui, bien sûr. Si tu dis que tu es grand, c'est que tu te sens grand. Mm. Hein? Bah écoutez, il va falloir rendre l'antenne. Hein, ça passe vite. Hein. Non, mais non. On va peut-être demander ses impressions, tiens, Laurette. Bah, je trouve que c'est vachement bien. C'est une bonne expérience pour les jeunes pour s'exprimer. Ben voilà, vous voyez. Je pense que les personnes de studio, du studio Radio Gemozo, ils sont contents d'entendre ça. Ouais. Hein? Mm-hmm. C'est bien de donner alors, pour ces jeunes-là. Et tata, mes infos, un lieu d'expression. Eh ben écoutez, on remercie tout le monde. Alors, on veut quand même dire que la semaine prochaine, on ne viendra pas parce que lundi, c'est férié. Et donc, on ne pourra pas préparer. Oui. Voilà. Oui. Donc, on se retrouve dans 15 jours. Dans 15 jours. Ah, d'accord. Voilà, au revoir. Je suis déçue. Ouais, c'est les offres arrivées. Eh bien, au revoir et bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Ta